Chanson de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Chanson. Je n'ai point encore aimé, nul regard ne m'a charmé, nulle voix, tendre et connue, n'a fait tressaillir mon cœur. Mais je rêve le bonheur d'aimer une âme ingénue. Et celle que j'aimerai, pour toujours lui donnerai et ma vie et ma pensée, mes instants de chaque jour, et mettrai dans cet amour orgueil et joie insensés. Point ne lui résisterai, mais plutôt obéirai au plus futile caprice, au plus frivole désir, trop payé par son plaisir de mon mince sacrifice. Mais je veux que chaque jour, pour me payer de retour, à tous instants, à toute heure, elle se laisse baiser et chérir et caresser jusqu'au moment où j'en meurs. Tels sont les mots qu'autrefois mon cœur dictait à ma voix. Mais enfin je t'ai connue, et je m'attache à tes pas. Tous mes bonheurs ici-bas, j'ai trouvé l'âme ingénue. Fin de Chanson, lue par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.